Chapitre 45e. Quand je revins à l'hôtel, je trouvai que Madame d'Arvincourt m'attendait chez mon père. Elle me demanda ce que j'avais fait de sa nièce. Éléonore et moi, nous avions prévu la visite et les questions de la marquise. Nous étions convenus de la réponse que j'aurais à lui faire. « Votre nièce, madame, est partie sous la conduite d'un ami dont je connais le courage et la fidélité. C'est en Suisse qu'elle est allée chercher un asile. Elle a préféré ce pays parce qu'il n'est pas très éloigné de votre Franche-Comté. » « Elle est sauvée !» s'écria la marquise en m'embrassant. « Ah, que je vous dois de reconnaissance! Elle est partie pour la Suisse, j'y cours après elle. Ma chère nièce, comment avez-vous fait pour l'arracher à ses ennemis? Personne ne vous a vu paraître à l'hôtel, personne ne l'en a vu sortir. Et pourtant il n'y avait pas un quart d'heure que je l'avais parlé chez elle quand ils sont venus pour l'arrêter. Elle est sauvée !» Mille dangers la menacent encore. En supposant qu'elle puisse échapper à ses persécuteurs, que va-t-elle devenir loin de sa patrie, loin de ses parents, et faut-il le dire, loin de celui qu'elle aime avec idolâtrie? Ah, jeune homme, vous avez plongé mon enfant dans un abîme de malheur. » À ces mots, Madame d'Arvincourt partit en pleurant. Je me hâtai d'aller, au quatrième étage, joindre Madame de Lignol, qui devait toute la journée rester cachée dans la petite chambre de mon domestique. « Ma chère Éléonore, j'ai tout préparé. Rien ne paraît plus devoir empêcher notre fuite. Tiens-toi prête à minuit précis. » « Tiens-toi prête, » répéta-t-elle, « en tout temps et partout, mais aujourd'hui surtout et dans cette chambre, qu'ai-je à faire autre chose que de t'attendre avec une impatience dont tu n'as pas idée? Tiens-toi prête, Faublas, pourquoi donc parler sans songer à ce que vous dites? Pourquoi cet air toujours préoccupé? Pourquoi ce visage si triste, lorsque l'heureux moment approche qui doit nous réunir pour ne plus nous séparer, lorsqu'il est certain que désormais nous pourrons vivre et mourir ensemble? Mon ami, Madame d'Arvincourt vient de venir. Je le sais, je l'ai vue de cette fenêtre. Madame d'Arvincourt part tout à l'heure pour la Suisse. Elle croit n'y arriver qu'après sa nièce. Elle y sera quelques heures avant nous. Ta tante y sera. Mon père et ma sœur n'y seront point. Laisse une lettre pour Monsieur de Bellecour. Sans doute, j'y pensais. Une lettre. Mais qu'est-ce qu'une lettre? Mon Éléonore, il m'attend, le baron. Je ne puis me dispenser de paraître à table. J'en sortirai le plus tôt possible et je remonterai pour essayer de dîner avec toi. Oui, va, Faublas, et reviens vite. Tant que je te vois, je suis tranquille. Je meurs d'inquiétude dès que tu n'es plus là. Elle m'embrassa, je descendis. Monsieur de Bellecour me vit refuser toute espèce de nourriture. Il m'entendit ne lui répondre que par monosyllabes. Il retira mouillé de pleurs la main qu'il venait de me présenter. « Tu n'as pas quitté ton père et ta sœur pour suivre ta maîtresse, » me dit-il enfin. « Ton père et ta sœur t'en récompenseront. Ils te prodigueront dans ton infortune les consolations les plus tendres, et tes peines ainsi partagées ne t'accableront point. Mon fils, c'est de vous que j'ai su qu'avant-hier, M. de Rosembert était tombé sous les coups de M. de B. Mais c'est la voix publique qui vient de m'apprendre que depuis, dans une autre rencontre, le marquis avait exercé sur un ennemi plus cher une plus terrible vengeance. » Mon fils, tôt ou tard, tous les objets de nos affections illégitimes doivent périr ou nous échapper malheureusement. Mais ne pouvez-vous point espérer une félicité durable, vous à qui le ciel, en attendant qu'il vous rende l'adorable épouse dont vous êtes idolâtré, laisse de bons parents qui vous chérissent? » Le baron parlait encore lorsqu'on lui remit une lettre. « Dieu de bonté, » s'écria-t-il après l'avoir lue, « déjà vous prenez pitié de lui. Tiens, mon ami, « lis, lis toi-même. » Enfin, la marquise a reçu le châtiment de ses crimes, et l'infortunée comtesse est désormais perdue pour votre fils. Votre fils, je le veux croire, est maintenant plus malheureux qu'il ne fut jamais coupable, et les leçons de l'adversité doivent l'avoir corrigé pour toujours. Dites-lui que dans 2 heures, je lui ramène son épouse, et que s'il est tout à fait digne de la retrouver, le jour où nos enfants auront été réunis, sera constamment compté parmi mes plus beaux jours. » Le comte Lovzinski. Mon premier mouvement fut un transport de joie. Quel bonheur! Quel inespéré bonheur! Mais un instant de réflexion me fit apercevoir les embarras et les dangers de ma nouvelle position. « Mon Dieu, mais... quoi donc, mon frère? Qu'avez-vous? Rien, ma sœur. D'où vient l'extrême agitation où je vous vois, mon fils? Qui peut troubler... Vous allez me le demander, monsieur le baron. « Madame de B se meurt. Mille périls environnent encore Madame de Lignol. Et vous m'allez demander ce qui trouble ma joie? Sans doute, j'adore mon épouse. mais dans quel moment elle m'est rendue? Vous ne savez que la moindre partie de mes inquiétudes. Vous ne connaissez pas la moitié des chagrins qui pèsent sur mon cœur. Tenez, mon père, j'ai besoin d'une entière tranquillité. Tenez, je vous le demande en grâce, et à vous aussi, ma chère Adélaïde, permettez que je m'abandonne librement à mes rêveries. Laissez-moi seul, absolument seul, jusqu'à l'arrivée de ma Sophie. Où courez-vous, mon ami? Chez Jasmin, pour l'appeler. Non, dans ma chambre. Point du tout, je descends au jardin. Ne m'y suivez pas, je vous en conjure. Sophie revient dans 2 heures, et je pars cette nuit avec madame de Lignol. Je pars, lorsqu'enfin, dans les bras de mon épouse, l'amour me prépare le prix. Amant ingrat d'Éléonore, quel désir osais-je former pour Sophie? Ah, de ces 2 femmes si charmantes, je sais laquelle je préfère, mais qui me dira de laquelle je suis le plus aimé? Il faut pourtant aujourd'hui, pour assurer le bonheur de l'une, causer le désespoir de l'autre. Causer le désespoir de Sophie? Que plutôt 100 fois madame de Lignol périsse. Qu'elle périsse? Mon Éléonore? Mon Éléonore et mon enfant? Oh, le plus barbare des hommes, qu'as-tu dit? Si je n'enlève pas madame de Lignol, elle est perdue. Poursuivie par la famille de son mari, déshonorée dans sa propre famille, menacée d'une éternelle prison, elle n'a plus dans le monde que celui pour qui sa tendresse a tout sacrifié. C'est en moi qu'elle a mis toutes ses espérances. Si je l'ai trahie, la comtesse trouvera dans son cœur son plus cruel ennemi. Comment, surtout, échappera-t-elle à la violence de sa passion? Sophie, jusqu'à présent, a supporté l'absence, parce que notre séparation n'était pas mon crime. Mais quand, le jour même de son arrivée, j'aurais pris la fuite avec une rivale, ma femme délaissée, si j'abandonne Sophie, elle meurt de chagrin. Malheureux, qu'ai-je donc à faire? Rien que de me dérober par une prompte mort à mes horribles perplexités. Rien que de finir par un crime, une vie déjà... Si je m'immole, aucune des 2 ne me survit. Malheureux, subis ta destinée, elle t'impose la loi de vivre et de choisir, entre 2 objets presque également chers et sacrés, une victime. Voilà donc le fruit de mes égarements. Des remords, grand Dieu, et pourquoi? Vous m'avez donné le cœur le plus aimant et les sens les plus vifs. Vous avez voulu que je rencontrasse à la fois plusieurs femmes, exprès formées pour plaire aux yeux et charmer l'âme. Je les ai tout ensemble adorées. Adorées moins encore qu'elles ne le méritaient. Voilà tout. Si jamais je fus coupable, la faute en est à vous. Si maintenant je suis trop cruellement puni, la faute sera-t-elle imputée tout entière à cet autre infortuné que vous n'avez pu guérir de son funeste amour? Oh, madame de B., que vous m'avez été fatale! Si je n'enlève mon Éléonore, elle est perdue. Ma Sophie, si je l'abandonne, meurt de chagrin. Quel homme à ma place, après les plus violents combats, quel homme assez ferme, ou plutôt assez barbare, pourrait encore se déterminer? Si du moins quelqu'un daignait m'aider d'un conseil secourable. Allons consulter mon père, insensé. Quoi? N'y aurait-il pas quelque moyen de concilier... « Monsieur, interrompit le domestique, que je n'avais pas vu s'approcher, madame qui vous aperçoit de cette fenêtre s'étonne que vous la laissiez seule dans ma chambre pour vous promener seule dans le jardin. Madame, je n'y suis pas, je ne veux voir personne, plus de femme surtout. Mon cher maître, c'est madame la comtesse. Oh, ce n'est donc pas madame. Eh bien, que veut-elle, mon Éléonore? Que vous ne l'abandonniez pas. Dites-lui que c'est à quoi je songe. Mais elle vous prie de remonter tout de suite. À la bonne heure. Conduis-moi. Conduis-moi, répéta-t-il. Je croyais que vous saviez le chemin. Oh, mon cher maître, que je suis fâché de l'état où je vous vois. Ce ne sont encore que des roses. Que veux-tu, Jasmin? Mon heure est venue. Écoute, mon ami. Bientôt tu entendras parler. Plaît-il, monsieur? Quoi? Achevez donc. Je ne sais plus ce que je disais. Bientôt tu entendras parler. Oui, du retour de ma femme. N'en dis rien à la comtesse. Prenez garde. Voilà M. de Bellecour et Mademoiselle Adélaïde qui viennent. Retourne à Madame de Lignol, je te suis. J'allais droit à mon père. Oh, je vous en supplie, laissez-moi librement méditer et pleurer. Laissez-moi seul à ma douleur. Je ne sortirai pas de mon hôtel, soyez tranquille, et vous me reverrez dès que Sophie paraîtra. Mon père et ma sœur étaient sortis du jardin. Je retombais dans mes cruelles rêveries. Jasmin vint m'en tirer une seconde fois. Je rejoignis la comtesse. « Il faut donc que je vous envoie chercher ?»« dit-elle. « Mon ami, crois-tu que ta tante soit déjà partie ?»« Pourquoi cette question ?»« Je pensais que Madame d'Armincourt aurait pu t'emmener. »« M'emmener avec toi ?»« Avec moi ? Peut-être n'aurait-elle pas voulu. »« Eh bien, j'aurais été vous rejoindre. »« Quoi ? Nous ne serions pas partis ensemble ?»« Mon ami, si cela devenait impossible, qui pourrait l'empêcher ?»« Vous-même, il n'y a pas une heure, vous me disiez. »« Il n'y a pas une heure, j'ignorais. »« Oh, comment l'aurais-je pu deviner ?» Quoi ? Rien, mon Éléonore, je parle sans réflexion. Nous quitterons Paris à minuit précis. Je ne pus retenir mes larmes, et comme elle me demandait ce qui les faisait couler, je lui répétais cette question vraiment cruelle. Crois-tu que ta tante soit déjà partie ? Que m'importe, ma tante ? S'écria-t-elle. Est-ce afin de m'en aller avec Madame d'Armincourt que j'ai sacrifié ma fortune et ma réputation ? Est-ce pour elle que je me suis exposé à toutes sortes de malheurs ? « Cependant, monsieur, plus le moment décisif approche, et plus je vois que vos irrésolutions redoublent. Ce n'est pas seulement votre père qui les cause. Ce n'est pas la mort de Madame de B. qui arrache des pleurs. Ingrat, vous frémissez de vous ensevelir dans une solitude où Sophie ne pourrait pénétrer. »« Où Sophie ne pourrait pénétrer. Monsieur, souvenez-vous que j'avais médité ma fuite avant qu'elle devint nécessaire. Persuadez-vous bien que ce n'est pas le désespoir de ma situation présente qui m'oblige à chercher un asile dans l'étranger. » Si donc, pour venir avec moi, vous n'avez d'autre motif que celui de me dérober au ressentiment de ma famille, vous pouvez rester. Je vous déclare que je me suis ménagé contre mes ennemis plusieurs ressources. Plusieurs ressources ? Oui. Mais ne me réduisez pas à les employer. Si déjà vous n'aimez plus la mère, prenez pitié de l'enfant. Ne me réduisez pas à les employer, reprit-elle en se précipitant à mes genoux. Je me suis trop longtemps flatté de l'espoir de te consacrer ma vie tout entière. Il me serait trop affreux de la terminer tout à l'heure en t'accusant de barbarie. » Ces derniers mots de Madame de Lignol achevèrent de me troubler. Je ne saurais dire si les réponses que je lui fis devaient détruire ou fortifier ses inquiétudes. Mais je me souviens qu'elle eut, dans tout le cours de cette longue après-dînée, l'air aussi triste, aussi préoccupé que moi. Plus la soirée avançait, plus je sentais s'accroître ma douloureuse impatience et mes combats secrets. Mon corps était, comme mon esprit, dans la plus violente agitation. J'allais, venais continuellement de l'appartement de mon père à la chambre de mon domestique, demandant l'heure à tous ceux que je rencontrais et ne cessant de regarder ma montre, tantôt trouvant le temps excessivement court et tantôt l'accusant d'une extrême lenteur. Enfin, comme le jour tombait, une voiture entra dans la cour de l'hôtel. « Pardon, mon Éléonore, c'est une visite qu'il faut que je reçoive. Je suis à toi dans l'instant. »« Une visite ? » s'écria-t-elle. Je n'en entendis pas davantage. Je me précipitai dans le corridor. Jasmin y attendait mes ordres. « Rentre vite, ne la laisse pas sortir de la chambre. » Je descendis plus prompt que l'éclair. Je trouvai dans le vestibule la plus belle des femmes, encore embellie depuis 7 mois. Elle se jeta dans mes bras. « Oh, mon bien-aimé ! » Si cet heureux jour ne m'avait été constamment promis, jamais je n'aurais pu résister au tourment de l'absence. Mon beau-père m'embrassa. « Que ne m'a-t-il été permis de faire plutôt son bonheur et le vôtre ?» me dit-il. Adélaïde, transportée de joie, vint me disputer les caresses de sa bonne amie, et mon père, en pressant Monsieur de Portail sur son sein, versa des larmes délicieuses. Tous ensemble, nous montâmes dans l'appartement de Monsieur de Bellecour. Je ne vous peindrai pas les transports de Sophie, les transports de son amant, l'indicible satisfaction de ma sœur et de nos heureux pères. Vous saurez seulement qu'une heure entière s'écoula comme un instant. Hélas, vous saurez que pendant une heure entière, l'infortunée Madame de Lignol fut complètement oubliée. Tout à coup, « Je ne me trompe pas, j'entends crier, » dit le baron. « Crier, mon père, bon Dieu ! Ah, c'est Jasmin qui s'amuse à contrefaire une voix de femme. Je vous quitte pour une minute. » Je trouvai la comtesse dans un accès de colère épouvantable. « Enfin, vous voilà, monsieur. Suis-je ici votre prisonnière ? Votre insolent balai m'ose retenir de force ?» Tandis qu'elle me parlait ainsi, Jasmin, de son côté, me disait « Monsieur, elle voulait se jeter dans la cour. Voilà pourquoi j'ai barricadé cette fenêtre. »« Vous avez eu tout le temps de recevoir votre visite ?» reprit Madame de Lignol. « J'espère que vous ne me quitterez plus. On m'attend pour souper. »« Il est trop tôt. » « D'ailleurs, vous ne souperez point aujourd'hui. Quand partons-nous »« Mon ami, je te demande un jour seulement, un jour. Un jour, le perfide ! Elle s'élança vers la porte, je la retins. Laissez-moi ! S'écria-t-elle. Je veux sortir. Sortir pour te perdre ? Je veux descendre, je veux lui parler. Je veux lui dire que c'est moi qui suis votre femme. Comment ? Perfide ! Je l'ai vu descendre de voiture, je l'ai reconnu à sa taille, à sa chevelure. Je l'ai reconnu, cette femme de Fromonville. Ah, que je suis malheureuse. Ah, qu'elle est belle. Et le cruel me demande un jour. Je resterai là, dans un grenier de son hôtel. Je resterai dévoré d'ennui, d'inquiétude, de jalousie, tandis qu'avec elle, il occupera l'appartement où la nuit dernière, ingrat. Je resterai là, tandis que dans les bras d'une rivale, un jour, pas seulement une heure. Écoute, Faublas. Poursuivit-elle avec la plus grande démence. « M'aimes-tu ? » ?»« Plus que ma vie, je te le jure. Sauve-moi donc. Je t'avertis qu'il n'y a pas un instant à perdre. Qu'il ne reste pas deux moyens de me conserver. Partons tout à l'heure. »« Tout à l'heure ? » ?»« Oui, la nuit est déjà noire. Descendons. Jetons-nous dans un fiacre. Gagnons la prochaine barrière et la prochaine auberge. C'est là que Jasmin nous amènera notre chaise de poste. »« Mon Éléonore ? » ?»« Oui ou non ?» Je voulus me jeter à ses genoux, elle m'échappa. « Mon Éléonore ! » « Oui ou non ? » répéta-t-elle. « Considère que pour le moment, il est impossible. Impossible ? Tiens, perfide, souviens-toi que tu m'as donné la mort. » Elle tenait cachée dans sa main droite de courts ciseaux dont elle se frappa. Quoique j'eusse arrêté son bras un peu tard, la violence du coup fut très diminuée. Cependant, le sang coula bientôt en abondance et la comtesse s'évanouit. « Ciel, ô ciel, ceci manquait à mon infortune. » « Va, Jasmin, va chercher le premier chirurgien. Cours, amène-le par la petite porte du jardin. Cours, mon ami. La plus chère moitié de moi-même est en danger. » En attendant qu'il revînt, je prodiguai mes secours à Madame de Lignolles. De quelle joie fut suivie ma crainte mortelle quand je reconnus qu'en attendant le bras de la comtesse, j'avais très heureusement détourné le coup. Le double fer, au lieu de s'enfoncer dans la poitrine, avait glissé sur la surface où je ne voyais qu'une seule blessure. Néanmoins, je ne bandais la plaie qu'en mêlant mes pleurs au sang précieux qui s'échappait encore. Je venais de finir quand le baron lui-même cria « Faublas, ne descendez-vous pas ? Tout à l'heure, mon père. » Le moyen d'abandonner mon Éléonore qui n'avait pas encore repris l'usage de ses sens. Je restais près d'elle et l'appelais 100 fois, inutilement. Enfin, pourtant, elle commençait à donner quelques signes de vie lorsque le baron, du ton de la plus grande impatience, vint crier une seconde fois. « Ne descendez-vous pas ? Un moment, mon père, un moment !» Jugé de mon effroi, quand j'entendis M. de Bellecour, au lieu de rentrer dans son appartement, monter à la chambre de Jasmin. « Depuis dîner, s'écria-t-il, que peut-il faire continuellement chez son domestique ? » Je n'eus que le temps de m'emparer des fatales ciseaux, de tirer la porte et de me jeter au devant du baron. Pour lui donner une excuse vraisemblable, je me hâtais de lui représenter que, malgré le retour de Sophie, j'avais quelquefois besoin d'être seul. Nous rentrâmes. « Il a pleuré !» s'écria ma femme. Elle me dit tout bas. « C'est le souvenir de Madame de B qui vous coûte ses larmes. Je vous le pardonne, elle a fait une fin si malheureuse. Oh, mon bien-aimé, je m'efforcerai de rendre toujours ce que vous avez perdu, et je vous aimerai tant que désormais vous ne pourrez plus en aimer d'autres. » Mon père, M. du Portail et ma sœur se joignirent à Sophie pour me prodiguer leur cruelle consolation. Je voulus m'y dérober, je voulus sortir, tous ensemble me retinrent. On ne peut se figurer ce que je souffrais alors. Leurs cruels empressements me désespéraient. Les caresses même de Sophie m'étaient insupportables. Un quart d'heure enfin s'étant écoulé dans les plus violents combats, l'inquiétude l'emporta sur toute espèce de considération. Je m'élançai vers la porte en criant « Laissez-moi, laissez-moi seul !» Je monte, je trouve dans le corridor du 4e étage un chirurgien qui m'attendait avec mon domestique. Je mets la clé dans la serrure, la porte s'ouvre d'elle-même. « Comment ? Je l'avais fermée ?»« Il est vrai, » répond Jasmin, « que la serrure ne tient à rien. » Nous entrons dans la chambre, Madame de Lignolles n'y était plus. Un coup de poignard ne me fait plus de mal. « Bon Dieu, qu'est-elle devenue ? Où peut-elle être allée ?» Je m'élance dehors. Je rencontre au milieu de l'escalier ma sœur, ma femme, son père et le mien. Je passe au milieu d'eux, je leur échappe. « Où court-il ainsi, loin de moi ?» s'écrie Sophie. « La retrouver, la sauver ou périr avec elle ?»« Oui, monsieur, me répond le Suisse. « Il y a peut-être 10 minutes qu'elle est sortie. J'ai cru que c'était une femme que madame avait amenée. »« Oui, monsieur, » me répond une bonne dame qui venait de se mettre à l'abri sous une porte cochère de la place Vendôme. « Je viens de lui parler à cette pauvre enfant. Elle avait l'air terriblement agitée. Elle n'a pas voulu prendre mon parapluie. « Non, non, m'a-t-elle dit. J'ai besoin d'eau. Je brûle. » Je l'ai vue gagner les Tuileries par le passage des Feuillants. La pauvre petite sera bien mouillée. Ce qui devait en effet redoubler mes terreurs, c'est que personne n'eût osé courir les rues par l'affreux temps qu'il faisait. La chaleur avait été grande durant tout le jour. Le vent du midi venait de s'élever. Il amoncelait d'épais nuages que plusieurs tonnerres déchiraient, et du sein desquels la grêle et la pluie se précipitaient par torrents. Mon âme était consternée. La fureur des éléments n'annonçait-elle pas la vengeance des dieux? Je me jette dans le passage. Je questionne les garçons de café de la terrasse des Feuillants. Elle a pris le chemin du pont tournant. J'y cours. J'y trouve un invalide en faction. Elle a fait 2 fois le tour de ce bassin, puis elle a monté sur la grande terrasse. J'y vole. J'arrive chez le Suisse de la Porte Royale. Adressez-vous à la sentinelle du pont. Dans ce moment, je crois l'entendre encore, et la plume m'échappe des mains. Dans ce moment, l'horloge des Théatins sonnait 9 heures. Sentinelle, une femme jeune, jolie, vêtue d'une robe blanche, la tête enveloppée d'un mouchoir. « Elle est là, » me répondit-il froidement. Le cruel étendait le bras et me montrait la rivière. « Comment, là ? Sans doute, elle vient de s'y jeter, c'est elle qu'on cherche. « Malheureux, que ne l'as-tu retenu ?» Et sans attendre la réponse du barbare, je me précipite après l'infortuné. D'abord, je résiste à peine à l'onde furieuse qui s'entr'ouvre, mugit et m'emporte. Enfin, j'ai rassemblé mes forces, et dans les flots qui me pressent, je cherche au hasard ce que les bateliers cherchent aussi. Tout à coup, la foudre éclate, tombe et frappe les eaux. À la funèbre clarté qu'elle a répandue sur le gouffre, j'ai distingué je ne sais quoi qui ne s'est montré que pour disparaître. Aussitôt je plonge, je saisis par les cheveux et je ramène au rivage. Quel objet je ramène ? Quel objet d'une éternelle pitié ? Voilà donc mon amante. Je détourne les yeux, je tombe auprès d'elle, trop heureux de perdre, avec le sentiment de mon existence, celui de mes maux. Les cruels viennent de me rappeler à la vie. Ils me demandent où l'on doit porter cette femme. Ils me demandent sa demeure et son nom. Que vous importe ? On me répond qu'il faut l'examiner, qu'il est peut-être encore possible de la sauver. La sauver ? Toute ma fortune ne suffirait pas à payer un aussi grand service. Vite, place Vendôme. Mais non ! Quel spectacle pour ! Rue du Bac. Il y a plus près, rue du Bac. Madame de Lignol fut portée dans la chambre à coucher voisine de celle où Madame de B respirait encore. La marquise avait même repris toute sa connaissance. Elle entendit gémir. Elle reconnut ma voix. On vint de sa part me supplier de paraître au chevet de son lit. « Pourquoi ce grand bruit ? » me demanda-t-elle d'une voix presque éteinte. J'allais répondre lorsque je vis entrer le comte de Lignol, suivi de 2 inconnus. « Le voilà ! » leur cria-t-il en me montrant. Et l'un de ces messieurs, s'étant aussitôt approché, me dit « Je vous arrête, de la part du roi. » La marquise entendit ces mots et ranimée par l'excès de la douleur. « Est-il possible ? » s'écria-t-elle. « Quoi ? Je n'ai pas encore les yeux fermés et déjà mes ennemis triomphent. Et déjà l'ingrat monsieur de X m'oublie. Ah, Faublas, ma perte aura donc entraîné la tienne. » « Oui, barbare, » lui répliquai-je dans l'accès d'un profond désespoir. « Et le malheur dont tu me plains est le moindre de ceux que m'a causé ta passion fatale. Victime de ta rage, madame de Lignol est là qui se meurt. Que dis-je, elle est morte peut-être. Ah, pourquoi moi-même ne suis-je pas mort ? Le jour que je t'ai reconnu, ou plutôt, pourquoi le juste ciel ne t'a-t-il pas dès lors accablé de tout le poids ? Elle m'interrompit. Impitoyable Dieu, vous devez être satisfait. Votre plus cruelle vengeance est accomplie. Je descends au tombeau, chargé des malédictions de Faublas. Elle retomba sur son lit, elle expira. Et comme je repassais dans l'autre pièce où les médecins entouraient madame de Lignol, l'un d'entre eux disait « Pourquoi la dépouiller devant tout le monde ? Pourquoi violer inutilement les bienséances ? Il n'y a pas de ressource, elle est morte. » Ainsi, presque en même temps frappé de plusieurs coups mortels, je perdis connaissance une seconde fois. Alors, surtout, ce fut une grande inhumanité de me rappeler à la vie. Oui, ma Sophie, s'il fallait maintenant, sous peine d'être séparée de toi par un prompt trépas, retomber seulement pour une heure dans l'état où je restais plusieurs semaines, s'il le fallait, ô ma Sophie, juge de ce que j'ai souffert. J'aimerais mieux te quitter et mourir. » Le baron de Faublas au comte Lovzinski, le 3 mai 1785. Je suis enchanté, mon ami, que votre roi, juste dans sa clémence, vous ait rappelé dans votre patrie et veuille vous y rendre avec sa protection, vos emplois et vos biens. Dans quel moment vous m'avez quitté, cependant? Si votre fille et la mienne ne m'étaient restées, je succombais à mon chagrin. Je vous ai mandé qu'il l'avait retenu 10 jours au château de Vincennes, qu'à ma prière il l'avait transféré de là dans une maison de picpus où l'on traite les insensés. Enfin, ils ont pris tout à fait pitié du plus malheureux des pères, ils m'ont permis de reprendre mon fils et de le soigner chez moi. Je viens de l'aller chercher. En quel état je l'ai trouvé, grand Dieu? Presque nu, chargé de chaînes, le corps meurtri, les mains déchirées, le visage sanglant, l'œil furieux. Et ce n'étaient pas des cris qu'il poussait, c'étaient des hurlements épouvantables. Il n'a reconnu ni son père, ni mon Adélaïde, ni même votre Sophie. Sa démence est complète, elle est affreuse. Il n'a devant les yeux que d'horribles images, il ne parle que d'assassins et de tombeaux. Voilà donc le fruit de ma coupable faiblesse. D'un moment à l'autre, j'attends de Londres un médecin fameux pour les maladies de ce genre. On dit que personne ne guérira mon fils si le docteur Willis ne le guérit pas. Qu'il arrive donc, qu'il me rende Faublas et qu'il accepte tout ce que je possède. Mon fils, du moins, ne sera plus enchaîné. J'ai fait matelasser une chambre où 6 hommes le garderont nuit et jour. 6 hommes ne suffiront peut-être pas. Tout à l'heure, je l'ai vu dans un accès de rage, briser entre ses dents, comme un verre fragile, le plat d'argent qui contenait son dîner. Je l'ai vu traîner aux 4 coins de sa chambre ses gardiens étonnés. Si cette horrible frénésie dure encore quelques jours, c'en est fait de mon fils et de moi. Avant-hier seulement, vos aimables sœurs sont revenues de Briare prendre dans mon hôtel un appartement à côté de celui de leur nièce. Leur nièce, que vous dirais-je de sa douleur? Elle est égale à la mienne. Adieu, mon ami, finissez vos affaires et revenez vite. Du même au même, 4 mai 1785, à minuit. Willis est arrivé la nuit dernière. Il a passé toute la matinée près de son malade avec les gardiens. À 2 heures, il m'est venu dire que mon fils allait être saigné, mais qu'ensuite, pour lui faire subir sa première épreuve, il fallait absolument l'enchaîner. Le malheureux a donc été de nouveau mis au fer. Et par un accès de précaution dont l'événement a prouvé toute la sagesse, Willis a voulu que les gardiens du malade restassent dans sa chambre, à quelque distance de lui. Tout en se trouvant tout près à 6 heures du soir, Sophie la première est entrée. Il la regardait fixement pendant plusieurs minutes, sans proférer une parole, mais son visage devenait par degrés plus tranquille, et son œil de plus en plus s'adoucissait. « Enfin, c'est vous, » a-t-il dit, « je vous revois. Vous m'êtes rendu. Ma trop généreuse amie, approchez-vous, approchez donc. » Sophie, transportée de joie, courait à lui les bras ouverts. « Gardez-vous-en bien, » a crié le docteur, et mon fils aussitôt a répété « Gardez-vous-en bien. Oh oui, ma belle maman, gardez-vous-en bien. Le cruel marquis n'attend que ce moment pour vous frapper. Vous voilà cependant. Quel bonheur. Je vous croyais morte. La profonde blessure était au sein gauche, près du cœur. » Alors Adélaïde, toute tremblante, est venue joindre sa bonne amie. Elles se sont mutuellement soutenues. « Te voilà, petite, » s'est-il écrié d'un ton fort doux. « Tu viens me voir avec ta maîtresse ? Parle, Justine, parle-moi. Toi que j'ai toujours vu si gai, pourquoi me parais-tu si triste ? Mais c'est Mademoiselle de Brumont, je crois. Oui, c'est une ombre qui vient m'épouvanter. » Aussitôt, Willis a dit à ma fille, « Retirez-vous. » Le malade attentif a répété, « Sans doute, retirez-vous. Et vous aussi, madame la marquise. L'heure fatale approche. » La baronne sait que vous êtes ici. Votre cruel mari, je suis sans armes, il pourrait vous assassiner. Ma trop généreuse amie, retirez-vous. Mais un instant, commencez par me rendre mon Éléonore. Rends-la-moi, perfide, rends-la-moi, sinon je vais te déchirer de mes propres mains. Sophie prit la fuite, je me pressais trop de paraître. Dès qu'il me vit, il cria d'une voix effroyable, « Le capitaine, tu viens jusqu'ici pour m'arracher ta sœur et l'égorger, attends. » À ces mots, il prit un si terrible élan qu'il brisa sa chaîne. si je ne m'étais aussitôt soustrait à sa rage, si ses gardiens ne l'avaient empêché de me poursuivre, l'infortuné tuait son père. Sophie, Adélaïde et moi, nous avons écouté dans la pièce voisine. Il a paru reprendre quelque tranquillité, mais à la fin du jour il a donné les signes d'une violente agitation qui s'est toujours augmentée à mesure que la nuit est devenue plus sombre. Enfin, d'un ton qui nous a fait frémir de crainte et d'horreur, il a distinctement prononcé ces paroles. « Les vents sont déchaînés. Le ciel paraît en feu. L'onde mugit. Quel tonnerre. 9 heures. Elle est là. » Comme il a voulu se précipiter dehors, ses gardiens l'ont retenu. « Pourquoi m'arrêter? Ne la voyez-vous pas qui reparaît sur les flots? Barbare! Vous voulez donc que la mère et l'enfant périssent? Et vous aussi, mon père, ma sœur, Sophie, vous aussi, vous m'empêchez de la secourir? Vous ordonnez sa mort? Tout le monde se réunit contre elle. Eh bien, je la sauverai, malgré tout le monde. » Cet homme suffisait à peine pour le retenir. Il s'est débattu dans leurs mains pendant un grand quart d'heure. Et l'ardente fièvre qui lui donnait ses forces prodigieuses l'ayant quitté tout à coup, il est tombé presque sans mouvement. Maintenant il dort, mais de quel sommeil! On voit trop bien que des rêves affreux le tourmentent. Oh, mon fils, mon cher fils! Dieu sévère, soyez juste, n'est-il pas trop puni? Je viens d'avoir avec Willis un long entretien. Je suis infiniment content du traitement qu'il prépare à Faublas. Attendez le salut du malade de l'habileté du médecin. C'est en elle que nous avons mis toutes nos espérances. Adieu, mon ami. Le même au même, le 6 mai 1785, 10 heures du soir. J'ai trouvé dans le village de Dugny, près Le Bourget, à 3 lieues de Paris, une maison qui m'a paru convenable au dessein de Willis. Elle est environnée d'un vaste jardin anglais que traverse une rivière assez large, mais peu profonde, et dont les eaux coulent toujours paisibles. Ses bords sont plantés de peupliers, de saules pleureurs et de cyprès. Dans ce séjour des regrets, tout semble d'abord fait pour rappeler les tristes souvenirs. Mais pourtant la beauté du lieu, son aspect tranquille et l'air plus pur qu'on y respire, doivent promptement écarter les passions violentes et disposer l'âme à la mélancolie tendre. C'est là que nous sommes venus ce matin nous établir tous. Le soir, comme de coutume, au coucher du soleil, mon fils a cru voir l'épouvantable orage et entendre sonner l'horloge fatale. Comme de coutume, il a répété ces mots terribles. 9 heures, elle est là. Déjà, dans un accès de fureur, l'infortuné nous imputait la mort de cette femme que nous l'empêchions d'aller secourir, lorsque Sophie, cachée dans une pièce voisine, Sophie, docile aux ordres du docteur, a crié de toutes ses forces. « Pourquoi l'arrêter? Qu'on ouvre toutes les portes, qu'il soit libre !» Aussitôt, il s'est élancé dehors, il a descendu plus prompt que l'éclair, et tout d'un coup, ayant aperçu la rivière, il a couru s'y précipiter. Nous le suivions à quelque distance, et moi-même je me tenais prêt à plonger si quelque nouveau malheur devait nous menacer. Il a nagé pendant près de 20 minutes, toujours aux environs du pont du haut duquel il s'était jeté. Enfin, il est revenu sur la rive en gémissant. Il s'est enfoncé dans le bosquet le plus sombre. Il a gardé longtemps un morne silence, puis, tout à coup, « Si tu ne reviens pas, » a-t-il dit, « c'est ici que je te veux creuser une tombe. » Ensuite, il a paru prêter l'oreille, et comme s'il n'eût fait que répéter ce que quelqu'un aurait osé lui dire, « Elle est morte !» s'est-il écrié. « Ah, pourquoi me l'annoncer tout de suite ?» Il s'est évanoui. Nous l'avons reporté dans sa chambre. « Adieu, mon ami. Quand revenez-vous? Quand revenez-vous nous aider à supporter nos maux ? » P.S. J'oubliais une nouvelle. Avant de quitter Paris, j'ai su que Madame de Montdésir venait d'être conduite à Saint-Martin. C'est l'effet du juste ressentiment de Monsieur de B. Le même, au même, ce 7 mai 1785, à minuit. Il y a eu dans la journée moins d'agitation. On ne l'a pas entendu parler si souvent du marquis et du capitaine, mais ce soir, à l'heure fatale, l'horrible songe est revenu. Sophie alors, comme la veille, a crié « Pourquoi l'arrêter? Qu'on ouvre toutes les portes, qu'il soit libre !» Comme la veille, il s'est précipité dans la rivière, mais revenu sur le rivage, il a trouvé dans le bosquet sombre une pierre de marbre noir que Willis y avait fait porter. Il a d'abord frémi. Nous l'avons vu peu à peu s'approcher en tremblant. Enfin, à la lueur d'une lampe attachée au cyprès, il a lu très distinctement cette inscription. Sigy, la comtesse de Lignolles. Aussitôt, il s'est jeté sur la tombe. Des pieds et des mains, il a frappé le marbre. Il a poussé de longs gémissements, mais il ne s'est point évanoui. On avait placé près de la pierre plusieurs matelas, sur lesquels, après une heure de souffrance, il est venu s'étendre et s'assoupir. Alors, on lui a mis doucement plusieurs couvertures sur le corps. Son sommeil ne paraît pas aussi pénible qu'à l'ordinaire. J'ai reçu pour lui deux billets, l'un du vicomte de Lignolles et l'autre du marquis de B. Ah, quand mon fils sera-t-il en état de reprendre à ses ennemis? Adieu, mon ami. Le même au même, 9 mai 1785, 6 heures du matin. Espérons, mon ami. Voilà déjà quelques changements heureux. Le matin, à la pointe du jour, il est revenu lui-même dans sa chambre. Il a dormi quelques heures dans la journée. Le soir, au coucher du soleil, il n'a pas vu d'orage, mais avec un commencement d'agitation, il a dit « Ô divinité compatissante, m'oublierais-tu donc aujourd'hui? Le moment approche. Viens à mon secours, délivrez-moi de mes ennemis. » Sa femme a aussitôt crié « Qu'il soit libre !» Il a donné quelques signes de joie. Il a descendu sans beaucoup de précipitation. Il a pris le chemin de la rivière. Mais au milieu du pont, il s'est arrêté, promenant sur les eaux un triste regard. « Si tranquille et si cruel, » a-t-il dit avec un profond soupir. « Hélas !» En entrant dans le bosquet, il a frémi. Il a plusieurs fois gémi, plusieurs fois baisé la tombe. Puis nous l'avons vu se relever et chercher quelque chose. Enfin, il a cassé une branche de cyprès, et sur le sable, autour de la pierre, il a gravé ces mots « Sigy la marquise de B. » Il a passé la nuit dans le bosquet, et comme s'il fuyait la lumière, il est rentré dans sa chambre à la pointe du jour. Le même au même, 15 mai 1785. Willis paraît avoir tout à fait réussi dans ce qui précède davantage. Depuis 6 jours, le songe affreux n'est pas revenu. La démence est toujours complète, mais la frénésie est absolument passée. Et si je ne dois pas me flatter que mon fils recouvre jamais la raison, du moins je suis déjà sûr que nous n'aurons pas sa mort à pleurer. Le souvenir du marquis et du capitaine rarement le tourmente, et quand il parle d'eux, ce n'est plus avec la même fureur. Il ne menace plus Willis, il ne frappe plus ses gardiens, il reprend la douceur naturelle de son caractère. Sa mémoire aussi commence à revenir, mais seulement pour tout ce qu'il y a de quelque rapport direct avec la marquise et surtout avec la comtesse. L'ingrat ne s'entretient jamais, ni de son père, ni de sa sœur, quelquefois pourtant le nom de Sophie vient sur ses lèvres. Nous reconnaîtrait-il? Je n'ose le croire, et Willis dit qu'il n'est pas encore temps que nous paraissions devant l'infortuné. Tous les soirs, à la voix de sa femme, il va gémir dans le bosquet, mais il ne peut pleurer. Mais toujours plongé dans une tristesse profonde, il est encore loin de la tendre mélancolie. La nuit dernière, cependant, il a plusieurs fois quitté la tombe pour se promener dans les allées d'alentour. Nous n'avons pas remarqué, sans un vif chagrin, qu'il y marchait à grands pas et que chaque fois qu'il entendait sonner l'horloge de la paroisse, agité d'un prompt frémissement, il courait au bord de la rivière et semblait regarder avec beaucoup d'inquiétude si rien ne se montrait à la surface de l'eau. Willis, continuellement prêt à caresser les idées de son malade quand il n'y trouve pas trop de danger, Willis avait fait mettre à côté du tombeau de la comtesse celui de la marquise. Je ne sais pourquoi leur malheureux amant n'a pas voulu souffrir deux monuments dans le même bosquet. Toujours, il a recouvert de terre le marbre dernièrement planté. Toujours, à côté de celui de Madame de Lignolles, il a gravé sur le sable « Sigy, la marquise de B. » Je crains, je m'inquiète, je trouve le temps bien long. Willis me rassure. Il me dit que tout va pour le mieux et qu'il ne faut rien précipiter. À la bonne heure. Mais votre fille et la mienne ont comme moi besoin de tout leur courage. Adieu, mon ami. P.S. Monsieur de Rosenberg guérira de sa blessure, mais il faut qu'à la mort de Madame de B., de graves accusations se soient élevées contre son premier amant. Il vient de perdre ses emplois à la cour, et l'on assure que les officiers de son corps doivent lui faire écrire qu'ils ne veulent plus servir avec lui. Le même, au même. Oh, mon ami, félicitez-moi, félicitez-vous. Votre fille, votre adorable fille, nous a sauvés tous. Ce soir, elle crie « Qu'il soit libre !» et soudain, elle s'échappe, elle se précipite. Elle arrive avant son époux au bosquet dont elle lui défend l'entrée. « Que venez-vous chercher ?» lui dit-elle. Sans la regarder, il répond « Je cherche un tombeau. » Et votre fille, du ton le plus tendre, d'un ton dont l'âme la plus insensible se fût émue, votre charmante fille lui réplique « Pourquoi chercher un tombeau, mon bien-aimé? Ta Sophie n'est pas morte !» Il s'écrie « C'est la voix secourable !» Et levant les yeux sur elle « Sophie? Dieu! Ma Sophie !» Il tombe dans ses bras sans connaissance. Elle le soutient. Nous voulons l'emporter. Willis accourt. Non. L'amour, heureusement téméraire, a commencé la guérison. Que l'amour l'accomplisse et qu'il soit aidé par la nature. Frappons de tous les coups à la fois ce jeune homme, déjà puissamment ému. Vous, son père, restez là. Vous, sa sœur, approchez, qu'à son réveil, il trouve autour de lui les objets les plus chers à son cœur. Faublas ouvre les yeux. « Ma Sophie, s'écrie-t-il, mon père, mon Adélaïde, et d'où venez-vous donc? Où sommes-nous? J'ai fait un rêve affreux qui m'a paru durer plusieurs siècles. Un rêve? Ah, mon Éléonore! Ah, Madame de B. » Son épouse le presse sur son sein, le couvre de baisers et répète « Mon bien-aimé, ta Sophie n'est pas morte. Sophie » dit-il. « Sophie me rendra plus que je n'ai perdu. Sophie, ah, que je suis coupable !» Et vous tous aussi, pardonnez-moi mon ingratitude et les chagrins que je vous ai donnés. » Il tombe à genoux, il veut parler, il ne le peut. Ses larmes s'ouvrent un passage, ses sanglots étouffent sa voix. Willis fait un cri de joie. « C'en est fait, le voilà sauvé, il est à nous, je vous réponds qu'il est à nous. » Cependant, il vient de se relever, il se sent très faible. Appuyé sur le bras de sa femme et de sa sœur, il regagne lentement la maison. Il passe sur le pont sans regarder la rivière. Bientôt, cependant, il tourne la tête, il jette un coup d'œil sur le bosquet dont nous l'éloignons. « Tenez, nous dit-il, prenez pitié d'un reste de faiblesse, ne détruisez pas ce tombeau. » Nous venons de le mettre au lit. Il s'y est tout de suite endormi d'un profond sommeil. Votre adorable fille nous a sauvés tous. Le même, au même. 18 mai 1785, 11 heures du soir. Il a dormi 38 heures sans interruption, et depuis qu'il veille, il ne dit, il ne fait rien qui ne soit pas de raison et de sensibilité. Il est vrai que de temps en temps nous le voyons se livrer à de cruels souvenirs, mais un mot de son père, une caresse de sa sœur, un regard de sa femme chassent ses regrets. Au reste, Willis veut bien qu'on s'efforce de distraire le convalescent, mais il défend qu'on l'importune, il ordonne même qu'on l'abandonne quelquefois à ses rêveries mélancoliques, et surtout qu'on ne le trouble jamais dans ses promenades nocturnes. L'entrée du bosquet n'est permise qu'à Sophie. Ce soir, au moment critique, il a descendu dans le jardin et, sans regarder la rivière, il s'est promené lentement partout où le hasard a apparu le conduire. Et il a fini pourtant par se rendre au bosquet. Sophie l'y attendait. « Viens, mon bien-aimé, nous allons pleurer ensemble. » « Il est vrai que ce monument plaît à ma douleur, » a-t-il dit, « mais il faut une inscription. » « Faisons-la, mon ami. J'ai mon crayon. Dicte. Je vais l'écrire. Nous la ferons graver ensuite. » Sigy, la comtesse de Lignol. Sigy aussi, la marquise de B. Toutes deux, en même temps, adorèrent le même jeune homme. Toutes deux, le même jour et presque à la même heure, périrent d'une mort également tragique. Victimes d'une destinée pareille, elles sont enfermées dans la même tombe et ne laisseront pas les mêmes regrets. La marquise mourut à 26 ans, dans le plus grand éclat de sa beauté. Mon Éléonore, toute charmante, venait à peine de commencer quand elle a fini. Elle avait 16 ans, 5 mois et 9 jours. Mon enfant est mort avec elle. Pourquoi cela? Qu'avait fait odieux cette innocente créature? Plaignez la marquise de B. Donnez des pleurs à Madame de Lignol. Donnez surtout des pleurs à leur amant qui leur a survécu. Mon bien-aimé, ta Sophie n'est pas morte? Insensé que je suis! S'est-il écrié, « Raye, raye cette dernière ligne !» Les chers enfants sont rentrés ensemble. Maintenant, Faublas est aussi profondément endormi que s'il eût veillé la nuit dernière. Adieu, mon ami. Revenez donc, revenez, partagez notre joie. P.S. La baronne de Font-Rose est, dit-on, tout à fait méconnaissable. On assure que, ne pouvant se consoler de la difformité de sa figure, elle va pour jamais s'ensevelir dans un vieux château du Vivarais. Cette femme-là m'a fait bien du mal. Le même, au même, le 18 juin 1785, 10 heures du matin. Il a repris ses forces, son embonpoint, sa fraîcheur. Mais il est toujours pensif et mélancolique, mais il va tous les soirs pleurer au monument du bosquet. Je ne dois plus, à présent qu'il paraît certain que le fâcheux accident n'aura pas de suite dangereuse, je ne dois plus vous cacher que mon fils nous a donné, l'un des jours de la semaine dernière, une terrible alarme. Il avait fait très chaud toute la journée. Au coucher du soleil, il eut un orage. Vaublas, dès qu'il entendit le bruit des vents, parut très agité. Il ne put voir la nuée sans frémir. Au premier coup de tonnerre, il alla se précipiter dans l'eau. Mais aussitôt, il regagna le rivage, en nous appelant tous. Il pleura beaucoup. La nuit qui succéda fut tranquille, et le lendemain, en voyant mon fils, vous n'eussiez jamais cru qu'il avait eu la veille une attaque aussi violente. Willis ne m'a point flatté. Willis m'a déclaré que de sa vie, peut-être, Faublas ne pourrait entendre un coup de tonnerre. Il m'a surtout recommandé de ne jamais permettre à mon fils de rentrer dans Paris, parce qu'il serait possible qu'à la vue du pont royal, il retombât dans le cruel état dont nous avons eu tant de peine à le tirer. Ne pas lui permettre de rentrer dans Paris? Où donc irons-nous demeurer? Dans ma province ou bien dans Varsovie? La proposition que vous me faites par votre dernière lettre, mon ami, mérite pourtant de sérieuses réflexions. Quitter la patrie de mes pères pour aller dans la vôtre, me fixer avec mes enfants? Je vous demande le temps d'y songer. En attendant que je me détermine, recevez, mon cher Lovzinski, toutes mes félicitations, puisqu'enfin votre nom, vos biens, vos emplois vous sont à la fois rendus. Boleslas et vos sœurs nagent dans la joie. Ils ne parlent que d'aller vous rejoindre. Je sens bien que si je veux rester en France avec mon Adélaïde, il me faut renoncer à mon fils. Car jamais vous ne pourriez vous décider à vivre séparé loin de la fille de Lodoïska. Je sens bien qu'avec de l'esprit, de la fortune et de la beauté, mon Adélaïde trouvera partout à s'établir avantageusement. Mais laisser en France un ancien nom, m'éloigner du tombeau de mes pères, je vous demande le temps d'y songer. Avant-hier, j'ai, sans le vouloir, donné bien du chagrin à mon malheureux fils. Vous vous souviendrez peut-être de ce riche écrin que Jasmin nous a remis dans l'appartement de Faublas le jour de la terrible catastrophe. Le domestique, aussi discret que fidèle, n'a jamais voulu me dire d'où venaient ces diamants. Avant-hier, je les ai montrés à mon fils. Aussitôt, je l'ai vu fondre en larmes. Cet écrin, c'était celui de son Éléonore. Oh, que je me suis repenti de ne l'avoir pas deviné. Il a baisé l'une après l'autre chaque pièce du petit coffre, puis, avec beaucoup d'exaltation, « Jasmin ! » s'est-il écrié. « Reporte cela tout à l'heure à monsieur le comte de Lignol. Dis-lui que j'ai gardé pour moi la pièce la moins riche, mais la plus précieuse. Dis-lui bien de ma part que le capitaine est un lâche, s'il ne vient pas me redemander l'anneau de mariage de sa prétendue belle-sœur. » Peut-être était-ce le moment de montrer à mon fils le cartel insolent et barbare du vicomte, mais j'ai craint de causer à la fois trop d'agitation à ce jeune homme dont je connais la redoutable impétuosité. Je viens d'apprendre que la marquise d'Armincourt était tombée dangereusement malade en Franche-Comté. Je tremble que son chagrin ne la tue. Pauvre femme, elle l'adorait, sa nièce, et la petite en vérité le méritait. Je me garderai bien d'annoncer à Faublas les dangers de la tante. Il se reproche assez les infortunes de la nièce. Willis a reconnu que ce jeune homme ardent et malheureux avait besoin d'une occupation, et qu'il fallait à sa mélancolie un objet capable de la fixer d'abord et de la distraire ensuite. Il lui a conseillé d'écrire l'histoire de sa vie. « Votre fille consent, j'y consens aussi, pourvu que le manuscrit ne soit jamais rendu public. » Hier, Willis est reparti pour Londres. Il ne voulait rien accepter. Je l'ai forcé de me confier son portefeuille, où j'ai mis en billets de caisse 5 années de mon revenu. Voilà de ces occasions où l'on regrette de n'être pas 10 fois plus riche. Allez, Willis, emportez les bénédictions de toute une famille et méritez quelques jours les bénédictions d'un peuple entier. Votre fille aussi vient de recevoir sa récompense. Son amant et son époux lui ont été rendus cette nuit. Nos heureux enfants sont encore au lit. Adieu, mon ami. Le même au même, 26 juin 1785, 4 heures du soir. J'accepte vos propositions, mon ami, j'y suis presque forcé. Aujourd'hui, de très bonne heure, on est venu remettre à mon fils une lettre de cachet que je lui ordonne de commencer, sous 24 heures, ses voyages à l'étranger. J'arrive de Versailles. J'ai vu mes amis, j'ai vu les ministres. Il paraît que l'exil de Faublas doit être longtemps indéfini. Quel dommage! Si l'amour paternel ne m'aveugle pas, ce jeune homme était fait pour aller à tout dans son pays. J'ai demandé 15 jours pour les préparatifs nécessaires à notre départ. Ils ne m'ont été donnés qu'à cette expresse condition que, pendant ce temps-là, le chevalier ne sortirait pas de la maison de Dugny. Encore 15 jours, mon ami, ensuite nous partons tous ensemble et nous sommes à vous le plus tôt possible, et nous sommes à vous pour toujours. Adieu. Je ne vous dis rien de l'impatience de votre fille. Dorliska vous écrit tous les courriers. Le chevalier de Faublas au vicomte de Lignol, 9 juillet 1785. Monsieur le baron vient de me communiquer, seulement tout à l'heure, votre billet que depuis longtemps je désirais. Capitaine, madame de Lignol, que votre rage a perdu, n'est pas encore vengé. Le temps me paraît long. Au reste, si votre cartel ne contenait que de grossières injures et d'impertinentes bravades, je ne m'en étonnerais pas. Mais je ne puis trop admirer le raffinement de votre barbarie. Vous exigez que le même jour et dans le même instant, le père et le fils se battent contre les deux frères. Vous l'exigez? Soyez content. Le baron et le chevalier de Faublas se rendront le 14 de ce mois à Kehl, où jusqu'au 16, ils attendront le comte et le vicomte de Lignol. Au revoir. Le même, au marquis de B, le 6 juillet 1785. Monsieur le marquis, monsieur le baron vient de me remettre votre billet auquel je suis désolé de répondre. Si vous le voulez absolument, je serai le 17 de ce mois à Kehl, où je m'arrêterai jusqu'au 20. Mais je fais les vœux les plus ardents pour que, satisfait de trouver ici les assurances de mes vifs regrets, vous ne quittiez point Paris. J'ai l'honneur d'être, etc. Le chevalier de Faublas au comte Lovzinski, de Kehl, 14 juillet, 10 heures du matin. Mon très cher beau-père, suis-je assez à plaindre? Tous ceux que j'aime veulent, par une générosité mal entendue, sacrifier leurs jours pour sauver les miens, comme si, de deux amants ou de deux amis, le plus malheureux n'est pas celui qui survit à l'autre. Ce matin, les deux frères arrivent. Le comte de Lignol témoigne à ma vue quelque colère, mais son front pâlit, sa voix s'altère, et dans tout son maintien je n'ai pas de peine à voir que, forcé par son frère à faire un acte de rigueur, monsieur le comte aimerait mieux n'avoir pas avec moi d'explication. Le capitaine m'adresse un regard farouche et d'un ton aussi menaçant qu'ironique. « C'est moi qui veux avoir l'honneur de te mettre à l'ombre. Lui se battra contre ton père. Au reste, je vous annonce à tous deux que notre combat est un combat à outrance. » Ainsi, poursuit-il en regardant M. de Bellecour, « malheur à quiconque n'a pour second qu'une femmelette ou un fou. Chevalier, je te déclare, dès que je t'aurai tué, je vais aider mon frère à finir ce monsieur. » Il me montre mon père. Je prends la main du barbare, je la lui serre avec force. « Tigre féroce, et je ne t'arracherai pas ton odieuse vie. » Mon père et moi, nous laissons vos sœurs, la mienne et Sophie, à la garde de Boleslas. Nous partons avec nos deux ennemis. À peine hors des remparts, nous mettons pied à terre. Je tire mon épée. « Oh, mon Éléonore, tes mains crient vengeance, reçois le sang qui va couler. » Le capitaine s'écrie. « Pourquoi ne demandes-tu pas aussi qu'on vous enferme dans le même tombeau ? Il vient sur moi. » Nous commençons un furieux combat qui se soutient longtemps avec une parfaite égalité. Monsieur de Bellecour, cependant, avait depuis plusieurs minutes obtenu sur le comte de Lignol une victoire facile. Mais trop plein d'honneur pour exercer contre le capitaine l'horrible condition que le capitaine lui-même avait pourtant imposée, mon père demeure spectateur immobile de mes efforts devenus plus grands. Enfin, le vicomte est frappé. Mais mon épée rencontre une côte et se brise. Mon ennemi, me voyant à peu près désarmé, croit pouvoir m'accabler de ses coups. Heureusement, il ne les porte plus que d'un bras affaibli, et je puis les parer encore avec le tronçon qui me reste. Effrayé pourtant de l'inégalité de ce combat, mon père, mon trop généreux père, se précipite entre nous. « Tiens » s'écrie-t-il en me donnant son épée, « tu t'en serviras mieux que moi. » Hélas, tandis qu'il me parle, il présente au vicomte son flanc découvert. Le cruel frappe. Il allait redoubler lorsque, le menaçant d'une épée déjà rougie du sang de son frère, je le force à s'occuper uniquement de sa défense. Le barbare, je l'ai puni. Il s'est roulé dans la poussière, tandis que le baron, les yeux levés au ciel, se soutenait encore sur sa main droite et sur ses genoux. Le barbare, il est mort. Mais avant son dernier soupir, il a vu le fils sans blessure prodiguer au père les plus prompts secours. Cependant, monsieur de Bellecour est en danger. Suis-je assez à plaindre? Amour, fatal amour, que de mots! Le courrier part. Ah, plaignez-moi, plaignez vos enfants, ils vous aiment tous, ils sont tous dans la douleur. je suis avec respect, etc. Faublas. Le même, au même, le 17 juillet 1785, 10h du matin. Mon très cher beau-père, Sophie vous écrit régulièrement tous les matins. Vous savez que la blessure du baron n'est pas dangereuse comme on l'avait cru d'abord. Vous savez que dans 15 ou 20 jours, nous pourrons nous remettre en route, trop heureux d'en être quitte pour le cruel déplaisir de vous rejoindre quelques semaines plus tard. Apprenez cependant le favorable événement d'aujourd'hui. Sophie, Adélaïde et moi, nous avions passé la nuit auprès du baron. Ma sœur et ma femme, également fatiguées, venaient de s'aller coucher. J'attendais pour suivre Sophie que l'une de mes tantes fût venue prendre ma place au chevet du malade chéri, que nous craindrions trop d'abandonner un instant à des soins étrangers. Il était tout au plus 7 heures du matin. Tout à coup, mon domestique vient m'étonner, en m'annonçant que quelqu'un demande à me parler en particulier. Le baron, justement inquiet, m'adresse la parole. « Ordonnez-lui de me dire la vérité. C'est le marquis. »« Jasmin, je vous défends de mentir. Est-ce le marquis ?»« Monsieur, ce n'est pas lui qui vous demande, mais c'est lui qui vous fait avertir qu'il vous attend derrière le rempart. »« Faublas, s'écrie Monsieur de Bellecour, « vous avez de grands torts avec Monsieur de B. Mais je n'ai qu'un mot à vous dire. Si vous n'êtes pas de retour dans un quart d'heure, j'expire avant la fin du jour. Dans un quart d'heure, vous me reverrez, mon père. » Je l'embrasse et je pars. Bientôt, j'ai joint mon ennemi. « Monsieur le marquis, j'osais espérer que vous ne viendriez pas. » Il me regarde d'un air sombre, et sans daigner me répondre, il se met en garde. Je pousse un cri. « Cette épée, c'est celle... »« Oui, » dit-il, « tremble. » Aussitôt, je tire la mienne, et je me précipite sur lui, ne cherchant qu'à le désarmer. Au bout de quelques minutes, j'ai le bonheur de voir l'épée fatale sauter à 10 pas. Je m'élance, je la saisis, je reviens au marquis et mettant un genou en terre. « Permettez-moi de garder cette épée. Emportez la mienne, emportez l'assurance que je vous renouvelle. » Il m'interrompit. « Ah, faut-il encore que je lui doive la vie ?» À ces mots, il remonte à cheval et disparaît. « Je suis avec respect, etc. » Le vicomte de Valbrun au chevalier de Faublas, Paris, le 15 octobre 1786. « Depuis trop longtemps, vous nous avez quittés, mon cher chevalier. » Mais faut-il, au regret de votre perte, se joigne encore le déplaisir de votre indifférence? Avez-vous donc, en sortant de France, oublié tous vos amis? Pourquoi gardez-vous aussi le plus profond silence avec un homme qui ne vous a jamais donné le moindre sujet de plainte? Réparez vos torts envers moi, et si vous ne voulez pas que je vous accuse d'ingratitude, donnez-moi de vos nouvelles et de celles de votre famille, et par le premier courrier et dans le plus grand détail. » La voix publique m'a dit que vous acheviez maintenant la rédaction des mémoires de votre adolescence. J'ai cru que vous apprendriez avec plaisir quelle était présentement l'existence de quelques personnes dont vous devez souvent faire mention dans l'histoire de vos amours. La marquise d'Armincourt, dévorée d'un inconsolable chagrin, vit plus que jamais retirée dans sa terre de Franche-Comté. La baronne de Fontrose, devenue laide à faire peur, ne sort plus de son vieux château du Vivarais. Le comte de Rosembert s'est vu contraint aussi de quitter le monde. La comtesse est accouchée à la fin du 8e mois de son mariage. Monsieur de Rosembert, que malgré ses malheurs, sa gaieté n'abandonne pas, soutient plaisamment à qui veut l'entendre que le petit garçon de sa femme ressemble beaucoup à mademoiselle de Brumont. Il donnerait tout au monde, ajoute-t-il, pour que monsieur de B, qui se connaît si bien en physionomie, puisse examiner le visage de cet enfant-là, et pour que monsieur de Lignol, à qui nulle affection de l'âme n'échappe, tâte le pouls de madame de Rosembert quand on ose parler devant elle du chevalier de Faublas. Ce Lafleur, qui servait l'infortuné dont je ne vous écrirai pas le nom, était devenu le valet de chambre du Marie-Beuf, mais il s'est avisé de voler son maître, qui, n'aimant pas les voleurs, a mis celui-ci dans les mains de la justice. Le malheureux a été pendu à la porte de l'hôtel Lignol. Justine est depuis 4 mois sortie d'une maison publique dont le régime un peu sévère ne l'a pas embellie. La pauvre enfant, ne pouvant mieux faire, est devenue la cuisinière et le factotum d'une madame Leblanc, femme d'un médecin du faubourg Saint-Marceau. On assure que la maîtresse et la servante vont souvent, de moitié, magnétiser en ville. Le comte de Lignol, que monsieur votre père n'avait pas dangereusement blessé, vit plein de génie plus que de santé. Néanmoins, des railleurs ont fait courir le bruit qu'au dernier printemps, s'étant avisé de boire le reste de la fiole du docteur Rosembert, monsieur le comte s'était senti, pendant 24 heures, quelques velléités de se remarier, mais qu'en si peu de temps il n'avait jamais pu trouver une femme assez malheureuse qui voulût de lui. Au reste, vous devez savoir que ces charades continuent de faire les délices de l'Europe. Le marquis de B se porte bien. Il est toujours, comme il le dit lui-même, un fort bon diable. Pourtant, il rentre en fureur quand il croit rencontrer une physionomie qui ressemble à la vôtre. Au demeurant, toujours content de la sienne et même regrettant quelquefois celle de sa femme. Adieu, mon cher chevalier. J'attends votre réponse avec impatience, etc. Le chevalier de Faublas au vicomte de Valbrun, de Varsovie, le 28 octobre 1786. Je suis, mon cher vicomte, infiniment sensible à votre souvenir. Vous m'avez envoyé des renseignements que je désirais, et puisque vous me témoignez l'obligeant désir de savoir précisément ce que nous sommes devenus, je m'empresse de vous l'apprendre. Il y a 15 mois que notre famille habite à Varsovie le palais du comte Lobzinski. 15 mois se sont écoulés comme un jour. Mon beau-père est auprès du monarque dans la plus grande faveur. Mon père, le meilleur des pères, au comble de la joie, vit plus heureux du bonheur de ses enfants que de son propre bonheur. Notre Adélaïde vient de choisir pour son époux le palatin de X, jeune seigneur dont je vous ferai le plus brillant éloge en peu de mots. Il me paraît digne d'elle. Moi, je suis père. Il n'y a pas tout à fait 4 mois que Sophie m'a donné le plus joli garçon du monde. Ma Sophie, le premier ornement de la cour de Varsovie, devient chaque jour plus adorable. Je jouis au sein de l'hymen d'une félicité que je n'ai jamais connue dans mes égarements. Cependant, plaignez-moi. J'ai perdu ma patrie et je ne puis me charger d'aucun emploi dans les armées de la République. Il me faut, pour toute ma vie peut-être, renoncer à l'état auquel je semblais appelé. Tous les efforts de l'art, tous les efforts de ma raison ne peuvent rien contre un fantôme persécuteur et chéri, dont la fréquente apparition me tourmente et me charme. Oh, madame de B., n'êtes-vous pour votre amant descendu de la tombe qu'afin de pouvoir, sans obstacle et sans relâche, vous attacher à ses pas? Encore si son ombre me poursuivait seule. Mais les dieux vengeurs ont condamné Faublas à des souvenirs plus chers et plus funestes. Si, dans une nuit d'été, le vent du midi s'élève, si l'éclair fend la nue, si le tonnerre la déchire, alors j'entends résonner un timbre fatal. J'entends un soldat, froidement barbare, me dire « Elle est là ». Soudain, saisi d'une invincible épouvante, abusé d'une espérance folle, je cours à l'onde qui mugit. Je vois se débattre au milieu des flots une femme, hélas, une femme, qu'il ne m'est pas plus permis d'oublier que d'atteindre. Oh, plaignez-moi. Mais non, Sophie me reste, loin de me plaindre, enviez mon sort, et dites seulement que pour les hommes ardents et sensibles, abandonnés dans leur première jeunesse aux orages des passions, il n'y a plus jamais de parfait bonheur sur la terre. Ainsi s'achève Les Amours du Chevalier de Faublas, par Louvet de Couvray.